The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Haircut. La coupe. Color. La coloration. Bangs. La frange. To refresh. Rafraîchir. Layered cut. Le dégradé. End. La pointe. Damaged. Abîmé. Splitted. Fourchu. Root. La racine. Oily. Gras. Anyway. Quoi qu'il en soit. Highlight. Le balayage. Perm. La permanente. Brushing. Le brushing. Manicure. La manucure. Now, a bit faster. End. La pointe. Perm. La permanente. End. La pointe. Brushing. Le brushing. Highlight. Le balayage. Anyway. Quoi qu'il en soit. Color. La coloration. Layered cut. Le dégradé. Bangs. La frange. Manicure. La manucure. Splitted. Fourchu. Haircut. La coupe. End. La pointe. Bangs. La frange. To refresh. Rafraîchir. Brushing. Le brushing. Oily. Gras. Highlight. Le balayage. Perm. La permanente. Layered cut. Le dégradé. Haircut. La coupe. Layered cut. Le dégradé. Oily. Gras. To refresh. Rafraîchir. Haircut. La coupe. Manicure. La manucure. Root. La racine. Perm. La permanente. Color. La coloration. Brushing. Le brushing. Oily. Gras. Damaged. Abîmé. Now, use the words in context. Le dégradé. Currently, the Tony and Guy layered cut with bangs is very trendy. C'est très tendance en ce moment, le dégradé Tony and Guy avec une frange. Le balayage. Because I spent my whole summer in the sun, I have natural blonde highlights and I don't need to go to the hairdresser. Comme j'ai passé tout mon été au soleil, j'ai un balayage naturel. Je n'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. Rafraîchir. I haven't been to the hairdresser for at least 3 months. My cut needs to be retouched. Ça fait au moins 3 mois que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Ma coupe a besoin d'être rafraîchie. Gras. This shampoo is specially designed for people with oily roots, dry ends. Ce shampoing est spécialement conçu pour les personnes aux racines grasses, pointes sèches. Le dégradé. Currently,